écoute-nous, ta famille et tes amis, pour enseigner chez les Toubabous, ton savoir avait un prix. Pourquoi avoir vendu ton cerveau pour quelques milliers d'euros? De Bamako pour aller soigner des gens malades en Eldorado pour une poignée de dollars. Le pays a besoin de toi, besoin de ton savoir. Thank you.